piano de beat. Est-ce qu'elle love, mais tu n'as pas su me le dire. Tu caches tes sentiments et préfères même mentir. Si j'avais su que tu rêvais de moi, je t'aurais laissé poser tes lèvres sur moi. Tant de messages masqués par toutes tes faces ici. Et dire que j'ai attendu que tu me fasses signe. Pourtant t'en dire des mots d'amour. Je t'aime à la folie car t'es mon amour. T'es si distante mais pas distant que l'amour me distance. Faut que je me dispense de courir après car si jamais je tombe dans ton jeu, je perdrai la tête en vaut la peine même si c'est dangereux. J'en suis pas sûr, j'ai un mauvais pressentiment. Mais je pense qu'il faut revoir tous tes sentiments. Je sens qu'elle ment, car elle n'est pas naturelle. Elle te fait voir en grand, et ça m'étonnerait pas que tu rêves. Elle est lézard, cette fille-là se cache derrière les arbres. Quand je la croise dans la rue, à chaque coup elle me lézarde. C'est plutôt louche comme comportement. C'est bien souvent ce type de fille avec qui tu sors tellement. Moi j'étais love et je t'ai même tout avoué. Tout de suite t'as su que pour toi je serais défoué. Mais si j'avais su que tu m'en voulais, je ne me serais pas laissé envoûter. Je ne m'y attendais pas, mais tu m'as averti. Je n'ai pas oublié ce que tu m'avais dit. Si j'avais su que tu ne mentais pas, jamais je ne serais mise à suivre tous tes pas. T'es si distante, mais pas distant que l'amour distance. Faut que je me dispense de courir après. Car si jamais je tombe dans ton jeu, je perdrai la tête, en vaut la peine même si c'est dangereux. Se trompe, et c'est de haut que tu tombes. Elle s'est tapée plus de mecs qu'il n'y a au téléthon. Moi je savais qu'elle était comme as. Faut pas que tu te commasses, mais que tu te reprennes. Car ta meuf est une connasse, mec. Y'en a marre de te voir galérer pour elle. Même si je l'aimais, la larguer c'est facilement pour elle. Comme on dit tous, une en moins c'est 10, ça t'apporte. Alors dis-moi cette relation, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Si t'étais love, tu aurais voulu me retenir. J'ai plus la force de t'aimer ni de te retirer. J'avais su la fin de l'histoire. J'aurais pu éviter ce que tu me laissais croire. Tout paraît clair maintenant que tu es parti. J'ai l'impression que je récupère ma fille. Si j'avais su que ça finirait ainsi, j'aurais pu dire non à tout ce que tu insistes. Mais pas distant que l'amour me distance. Faut que je me dispense courir après. Car si jamais je tombe dans ton jeu, je perdrai la tête, c'est plus la peine. C'est si dangereux. T'avais bien dit, elle n'est pas pour toi. C'est une langue de pute, alors que devant elle est courtoise. Elle est séductrice, donc s'il te plaît ne cours pas. C'est elle qui t'a trompé, ne te sens pas coupable. Et Kuba, c'est son rayon. Alors que toi t'étais persuadé que c'était Cendrillon. Non, elle est loin d'être une femme digne. J'en suis sûr que pour une autre que ta flamme brille. Ouh, j'ai non.